Mais voilà, il y a un public, tu vois. Donc, bon, en tout cas, pour l'instant, les premiers extraits, là, je le voyais avec le morceau qu'on vient de balancer. Regarde, Bracelet, une tuerie, Bracelet. Je suis en train d'écouter La Crime, Bracelet du lourd. Je veux d'autres exclus. Ouais. Tu vois, ça n'arrête pas de défiler avec le hashtag La Crime sur Skyrock. L'objectif, c'est d'être entêté, hein, c'est niquer tout le monde dès le début. Ouais, c'est bien. Allez-y. Mettez entêté. Le hashtag, normal. C'est La Crime sur Skyrock. On va revenir sur ton parcours aussi. Ouais. On va faire un petit point d'ailleurs. Tiens, on fera un petit vrai-faux dans un instant. Tout ce qui circule sur toi sur le net, tu nous diras si D'accord. c'est vrai ou faux. Okay. L'album Corleone, le 1er septembre dans les bacs. Et puis pour revenir un petit peu sur ta carrière musicale, on a fait un petit medley. Okay. Que je te propose d'écouter maintenant. On revient sur les sorties de La Crime sur ces dernières années. Écoutez. Ok, avec plaisir. Ok, ok, La Crime cette semaine sur Skyrock. Dans Planet Rap. Skyrock. Aïe. Skyrock. Sortier de la Dolce Vita, perdre des plumes est inévitable. Enchanté, Vénico, Bellissima, Isaac, crime de cash, tous des vitales. On sort du italien, couture italienne, c'est un braquage à l'italienne. Rythme des cordes et des douilles. Notre chasse à ceux qui restent, on prend la place à ceux qui règnent. Ici on danse avec les loups. Y'en a qui braque ce qui dit, y'en a qui parle, y'a ceux qui tirent, y'a ceux qui restent, y'a ceux qui se tirent, y'a ceux qui craignent, y'en a pour le dire, y'a ceux qu'on pleure, y'en a se dire, y'a Christian Dior, y'a les Kitty, y'a les Gravo, y'a les petits. Ma mère, ma mère, je veux pas les fous, la vie ma mère, la vie ma mère, je veux pas les fous, la vie ma mère, la vie ma mère, je veux pas les fous, parce qu'on aime ça, on attend ça, mais pour ça, on baisse la tombe. Je peux voir un jour me reposer. Mon père t'a fait la nuit, le dos cassé. Même avec tes millions, aurons-nous la paix? Je suis qu'un homme parmi tant d'autres, juste de passage. Bienvenue dans mon monde. Faut faire de la monnaie, faut faire de la monnaie, faut faire de la monnaie, faut. Faut faire de la monnaie, faut faire de la monnaie. Vendre très vite, faut faire de la monnaie, faut. Moi je dis que le sort s'acharne. Des fois, la bombe ramenait la plus bonne. Je m'en bats les couilles de même voir Sacha timide. Je suis pas cher pour toute la semaine. Gucci de la tête à la semaine. Oui, oui, qui t'a dit que le rap ça paye pas. Petit bâtard, je fais la paye à ma femme. Dis-moi qui n'a pas raison. Je baisse en 40 kills quand je m'assois sur ma cargaison. Propriétaire de ma maison. T'inquiète, rayon veut tout ce qui cache au corps. Je cache histoire d'avoir un peu tout. C'est mon petit côté bâtard. Dis pas que j'ai pas d'âme. Je te fume après ça, je fais mon petit concert au madame. J'ai la tête dans les chiffres. Ne me parlez pas de l'être. Non, ne me jugez pas. Je suis qu'un homme et fier de l'être. Je veux avoir une belle baraque. Pour ça, faut prendre des risques. Elle voit que je fais de l'oseille, mais elle croit que je vends des disques. Je peux pas tout lui dire, mais je la respecte à la vraie. Mon vécu en dit long, main et crâne bas. Je pense que je me perche. Faut pas que je me suive. Ces années retournent dans ma life. À force me nuise. Je veux pas d'une vie à la fâche. Ni me faire de fil. Mais toutes ces choses qui me cachent m'éloignent de lui. Skyrock. La Crime avec nous, c'est l'album événement de la rentrée. Cet album s'appelle Corleone. On a pu écouter pas mal d'extraits d'ailleurs là dans le medley. Ouais. Corleone, on est revenu sur quelques morceaux. Il y avait Ice MC qu'on a pu entendre aussi dans ce medley. Tout un tas de rencontres qu'il y a eu sur ces dernières années. Exactement. C'est vrai que ton histoire dans le rap, toi, débute quoi? Plutôt au début des années 2000? Non, du tout. Ma première expérience dans le rap, je crois qu'elle était en 2007. Après le premier morceau posé, 2008. Après, il y a eu le morceau qui s'appelait La Rue Sédiban, ma rencontre avec Mysterio, tout ça, qui a suivi quoi. Et depuis, donc, il y a eu beaucoup de boulot sur cet album. Exactement. Ça, c'est un album, je pense, important pour toi, celui-ci. Ouais, j'ai pas envie de dire que c'est. En sachant qu'en plus, un album, tout artiste sait qu'un album, ça se fait en un an, tu vois. Avec du recul, tout. Je l'ai fait en 3-4 mois. Tu vois, mais je pense qu'on a vraiment donné l'album avec du recul, avec des vrais sons, avec des vrais thèmes. Il faut dire que tu sortais aussi d'une période de ta vie mouvementée. Ouais, bah ouais, comme un peu toujours. Comme un peu ton parcours. C'est vrai que ton parcours commence dans le 9-4 et. Ouais, ouais. quand on est dans le 9-4. Rien n'est facile. Hein. Rien n'est facile, donc il faut se battre. Donc il y a des moments bien et puis d'autres moments un peu moins sympas. Exactement. Donc t'as beaucoup écrit en prison cet album ou il y avait. Moi, en fait, j'ai écrit. Le seul titre que j'ai écrit en prison, c'est le morceau Les Lovés. Mmh. Tu vois, je l'ai écrit en prison. C'était une ambiance où je voulais un peu m'évader. Mais on va dire que je suis sorti de prison, j'avais zéro titre. Et je suis rentré en studio et on s'est concentré sur l'album. J'ai écrit tout depuis ma sortie. Pourquoi tu voulais pas avoir justement ce côté trop. Après j'écrivais. Tu vois, c'était un peu pour se faire la main, comme un footballeur, il va à l'entraînement, tu vois. Mais j'avais pas les prods exacts de mon album. J'avais plutôt un choix. Donc après, j'écrivais sur des faces B, j'écrivais sur des morceaux carry, tu vois ce que je veux dire. C'était plutôt de l'entraînement. J'étais prêt le jour, de ma sortie, à rentrer direct dans l'album. Donc il fallait la prod, il fallait aussi quelqu'un pour réaliser tout ça. Il y a une rencontre déterminante sur l'album. Ouais, bien sûr. Qui est Core. Exactement. Avec qui t'as bossé. Je l'embrasse très fort. Ouais. Qu'on salue, qui est encore, je crois, tranquille du côté de Miami. Ouais, il est encore à Miami, il se repose. Toi, il y a quelques jours de ça pour tourner des clips. Ouais, exactement. On était ensemble. J'ai laissé encore un peu là-bas se reposer. Je crois même qu'il est parti un peu aux Bahamas, là, se reposer. On essaiera de le choper dans la semaine par téléphone. Avec plaisir, avec plaisir. On fera le tour de savoir où il se trouve actuellement. Donc, cette rencontre a été déterminante. C'est une rencontre que tu connaissais quand déjà. On se connaissait déjà très bien. Ça, on a eu un petit 3-4 ans où vraiment on s'est pas vu. Il avait ses trucs un peu lui aussi aux States, tout ça. On s'est rencontrés, on s'est revus justement avant mon incarcération. On est partis sur de bonnes bases. On avait les mêmes objectifs, tu vois. Et voilà, je pense qu'il a un gros talent qu'il a pas mis au service de la France. Tu comprends? Tu sais, c'était plutôt dans d'autres contextes qu'il a fait des musiques avant. Tu comprends? Voilà. Maintenant, il avait à cœur de. Et je pense que j'étais le bon élément pour. Et ça fait qu'il y a une alchimie entre nous. C'est incroyable. En tout cas, pour lui, c'est vrai qu'il m'a envoyé un message hier. Je te l'ai dit, il m'a envoyé un message. Où je sens aussi le doute, où il se dit putain, j'ai tout donné sur cet album. Tu vois, c'est bien. C'est un album qui est important pour lui. C'est bien, mais c'est respectable quand même. C'est même une discussion qu'il peut avoir où moi je suis pas là, où il y a, tu vois, une discussion qui transpire, où j'entends, il est vraiment concentré comme si c'était son projet. Tu vois, donc c'est bien pour moi. C'est que le mec il respecte. Tu vois. La première fois que vous rentrez en studio ensemble, tu le sens, toi, qu'il y a un truc en particulier qui se passe directement. Mais sans ça, c'était pourquoi en prison, on parlait, on s'envoyait des prods, les choix, nos trucs, nos influences. C'est un truc de fou. Je peux pas t'expliquer. En fait, on est deux, mais un. Le premier morceau que tu enregistres pour cet album, c'est lequel? Le Glock. C'est le Glock? Ouais. Mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. Donc c'est celui-ci, là. Ouais, celui-là, tu vois. J'avais déjà la prod, par contre, sur celui-là. On avait déjà un peu, tu sais, le cheminement du morceau. Je suis sorti, je l'ai claqué direct en deux jours. Et voilà, on a fait clip, on a balancé direct. Il n'y avait pas vraiment de thème sur ce morceau. C'était le premier pour dire, voilà, on est là. T'as vu, je suis sorti, voilà, on marque un coup. Voilà, numéro 1, t'as pas iTunes. Tu vois, voilà, le taf, il a été fait. Bah, la précommande, ça se passe bien aussi, hein, parce que j'ai vu que régulièrement, tu squattais les 10 premières places. C'est bien. Il faut que ça continue. C'est bien. Après, moi, t'as vu, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Je vais pas trop regarder tout ça, mais on m'en parle et ça se passe bien. Je suis content. Allez-y, d'ailleurs, si vous l'avez acheté déjà cet album, si vous l'avez précommandé, envoyez les photos. Vous pouvez les balancer direct dans le studio. La crime sur Skyrock, c'est le hashtag. Les vidéos aussi à suivre. Et puis, désormais, on met aussi vos réactions sur l'émission avec un petit bandeau sur la vidéo. Donc, n'hésitez pas à tweeter, envoyer des messages. On les balance aussi sur Skyrock.fr. Tweeter, ma gueule. Normal. TT, c'est normal. Bon, on dit un petit mot aussi sur Corleone, le nom de l'album, le choix de l'album et ce titre. Ouais, contrairement aux idées reçues, t'as vu, c'est pas pour le côté mafieux, genre. Mafieux, ouais. C'est on vous encule tous, je suis là, tel quartier, c'est un truc de fou, tu vois. Mais à la base, Corleone, c'est un village. Ouais. Tu vois, c'est un village où c'est, tu sais. En Italie. Voilà, en Sicile. En Sicile, tu vois. Exact. Et pour y avoir été, ça veut dire vraiment, j'ai vu, tu sais, faut monter, tu vois. Il y a pas quelqu'un qui a de l'argent là-bas. C'est des agriculteurs, voilà. Tu sais, la pomme de terre, la truc, ils ont pas de viande, tu vois. Et il y a Palerme. À Palerme, qui est la grande ville, où il y avait le pouvoir, ils achetaient les juges, tout costard, bien, tout ça. Et ben, les gens de Corleone, ils en avaient marre, ils avaient faim. Un jour, ils sont dans ce lieu à Palerme, ils ont tout pris, tu vois. Bah, c'est un peu l'image qui est la crime, tu vois. Je suis parti de rien. J'ai faim. Je sais d'où je viens, t'as vu, je sais ce qu'on a fait, tu vois. Voilà, et aujourd'hui je suis venu pour te prendre. Donc c'est plus là-dessus le clin d'œil, ouais. C'est pas le côté mafieux, c'est plus sur ce côté. Voilà. Exactement, mais après, on passe par là où on doit passer. Le bien, le mal, les trucs, tu vois, toutes les galères. Bon, là c'est le bien, c'est l'album. Entre autres. Ouais. Et ce morceau Corleone, on va débuter avec, on le met. Ok, avec grand plaisir. Allez, c'est parti, la crime, notre invité. Aïe. Toute la semaine et pendant 15 jours. C'est l'intro de l'album. Oui, c'est l'intro de l'album. Ouais. La crime. Ok. Tu fais des sous, t'as pas qu'à foutre. C'est que t'es comme moi. La rue c'est plus dangereux qu'un coma. Après me suivez, me supporte. Je vous oublie pas. Non, la vie est courte, monsieur. Donc faut des armes, du courage, du vice, de l'honneur. Petit frère, sois fier. Regarde-moi, la main. Le jour, la veille, de ma paye. J'dors pas, l'ivresse, la faim. Des billets, de mort pas. Ouais, ouais, la guerre pour faire ma vie. Protéger la mif, tirer sur l'ennemi, viser dans le mille, hein. Tout niqué, des frères ont embrassé la mort. Saïd et Mehdi, des vrais soldats, je vous oublie pas, hein. Vais-je pouvoir un jour me reposer? Mon père t'a fait la nuit, le dos cassé. Combien dans ta ville ont fini bandit? À 15 ans, je volais des sous, j'ai jamais grandi. Pourquoi mon cœur est maudit? Envie de faire des folies. Pourquoi les démons me font croire que l'enfer est joli? Même avec des millions, aurons-nous la paix? Beaucoup trop finissent par se fumer. On n'est qu'à leur vie en tôle, mon gros. Avec la faim, je suis parti de rien. Je voulais voir le monde, donc j'ai volé. L'estomac noué, jeune et doué. J'ai fumé le roi qui me croyait dévoué. Lauré, mon Dieu, toi seul peux me sauver. Si vous saviez ce qu'on a fait, n'est pas toujours ce qu'il fallait. Crever, le fond de mon cœur n'est pas mauvais. Juste un gros loup de la tête. Catholique pour gratter sa pièce, frère. 9-4, you know how we do. Ça braque, ça monte de la drogue. Tout fait pour creuser mon trou, il fallait se débrouiller. Fallait qu'on baisse tout, y'a rien dans mon assiette. Donc je prends tout au resto. La faim nous a soudés, nous a rendus plus forts. On a grandi sans un sou, adolescent, nous prenions que des lards. Fais du mal, déçu ma mère, amour venu d'ailleurs. Dieu fils et mitrailleur, t'es là pour toucher tous les gars. T'es là pour tout perdre, je suis qu'un homme parmi tant d'autres, juste de passage. Bienvenue dans mon monde. Corleone, 1er septembre dans les bacs. Ça fait mal. Alors Lune, on est branché ou pas? La crime avec Corleone, c'est aussi le nom de ce morceau. Et pour toi c'est l'intro, hein. Exactement, c'est l'intro. Ça veut dire, j'expliquais quand on écoutait le morceau, tu vois, au studio, juste après l'avoir fait, on était d'accord que c'était l'intro. T'as vu, tu vas à la Fnac, t'achètes le CD à 10h du matin. Il y a deux options qui s'offrent à toi. T'achètes le CD, tu mets la première, tu cartonnes, tu vois. Ouais, nique sa mère, je vais pas au taf. Donc t'arrives au taf, tu sais, grosse motivation de la journée, tu vois, tu fais le taf du mois en un jour. Ouais. Tu vois? Rien qu'avec ça. Ouais, j'ai une anecdote de fou. Hier, il y a trois jours, je suis à Perpignan, je suis dans un centre commercial, tu sais, j'ai envie d'aller aux toilettes de ouf et tout. Je rentre dans les toilettes, il y a une femme de ménage, tu sais, je suis en train de pisser et tout. Il y a une femme de ménage, elle est dans les toilettes, j'entends mon son. C'est une femme de ménage, une femme, tu vois, une dame. J'entends mon son, elle est en train de chanter. Je me lave les mains, tout, il y a le miroir, elle se lève comme ça, elle me regarde, elle est restée de marbre. Je lui dis, c'est un truc de fou ou pas? Elle a même pas répondu. C'était quoi? C'était le morceau Corleone? Ouais, c'est le morceau Corleone qui tournait? Ouais, un truc de fou. Putain, comme quoi on peut l'écouter partout. Ouais, partout. Et n'hésitez pas. Le 1er septembre, elle fout à fond partout ce morceau, en précommande dès maintenant. Et puis, il y a donc cette box, hein, avec l'album et t-shirt en édition limitée. Ouais, édition limitée. Dépêchez-vous, à mon avis, elles vont s'arracher ces box. Ah, elle est belle, de la crime. Elle est magnifique. Ah, elle est belle la box. Avec les belles photos et tout. Bien, sobre, classe, tu vois. La grande classe. À l'image de la crime. Bon, la crime avec nous entre 20 et 21. On va faire un petit vrai faux. Tu sais qu'on voit un peu tout sur le net, tout et n'importe quoi. Ouais. Donc tu vas me dire vrai ou faux. Ouais. On était faire un petit tour. On a cliqué sur la crime. Aujourd'hui est sorti, par exemple, une info en disant que tu veux réaliser et jouer dans Scarface 2. Ouais, vrai ou faux? Totalement faux. Totalement faux. Ouais. Totalement bidon. Ouais, faux. Donc rien à voir avec le ciné. T'as eu des propositions ciné? Non, ciné, c'est pas le ciné. Après, Scarface 2, faux, totalement faux. Après, pour l'instant, je suis dans la musique, je suis concentré sur ce que je fais. Et après, on verra. Ouais. Vu sur le net, tu as rencontré Mysterio en prison. Vrai. Ça, c'est une vraie rencontre. À l'époque, vous parliez même pas de musique à l'époque quand vous rencontrez. Ouais, exactement. Moi, j'avais jamais l'idée de faire du rap. Il lui rappait, mais tu vois, il m'en a pas parlé. Tu vois, c'était une rencontre vraiment humaine. Après, il y a eu bien évidemment quelques featuring aussi. Ouais, après, on s'est revus en 2006-2007, on s'est plus lâché. Vu sur le net, depuis que tu vis sur Marseille, tu as pris ton abonnement chez le groupe de supporters Yankee Nord. Non, faux. Non. Non, faux. Faux. Faux. Donc, ok, pas supporter de l'OM? Supporter de l'OM, supporter de Paris, vraiment, t'as vu, moi je suis. De toute façon, tu vois, j'habitais là, j'habitais là-bas, j'étais là-bas, tu vois, je suis pas. J'aime tout le monde. Tu voyages. Ouais, pour t'étais à Perpignan il y a trois jours. Ouais, le club est bon, je supporte. Il y a de l'envie, tu vois, j'aime bien. Amel Ben, qu'on retrouve d'ailleurs sur l'album de Corleone, t'as pistonné pour le prochain Dansant avec les Stars. Oh non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Bon, Amel, c'est vrai qu'elle est, elle fait partie des featuring, hein, si, ouais, exactement. Sur cet album, il y a Lil Durk. Alors, Lil Durk, ouais, Lil Durk. Pour featuring, c'est un mec de Chicago, hein. C'est un mec de Chicago, c'est un mec qui est très, très, très en vogue. Ouais, vrai gang, tu ouais, vois, vrai gang, ouais. Vrai tout ce que tu veux, tu vois. Et en c'est temps, Chicago, c'est chaud, hein, ça ouais, chaud, c'est hein, très, très chaud. C'est ils, leur ville l'appelle Chirac. Ouais. Ça veut dire un mélange de Chicago et Irak. Il y a autant de morts en Irak en un an qu'il y en a à Chicago. Ah oui, rien à voir avec notre ancien président en France, hein. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Donc, ouais, gros morceau. Lil Durk, ouais, quelqu'un que tu voulais. Il y a Amel. Amel. French Montana aussi. French Montana. Et ça, il y a des images qui vont arriver aussi, je pense. Ouais, ouais, French Montana, c'est clippé. Lil Durk, c'est clippé aussi. Enfin, vu sur le net et entendu sur le net, en vidéo, tu es vu comme le boss des pronostics de foot. Souviens-toi, chez Difool, au mois de juillet, tu disais ça. Bon, alors, pronostics, on a fait les pronostics tout à l'heure. J'ai d'ailleurs les résultats, les premiers résultats du grand sondage qu'on a fait. Eh, c'est serré, hein. On vous a demandé, vous pensez, c'est la France ou c'est l'Allemagne qui gagne demain pour le match? La moi, après, je parle avec le cœur, je dirais la France, tu vois. Même sportivement, là, la France, ils sont chauds. Ils sont là, on fait vraiment les pronostics, c'est-à-dire même si t'es pour la France, non, je dis que la France, ils vont prendre. Moi, j'avais dit l'Allemagne. Et vraiment, un vrai truc, c'est que l'Algérie, ils les ont fatigués, ils sont épuisés. Il y a des joueurs qui sont malades, il y a deux blessés. Alors, c'est vrai, non. Voilà, nouveau consultant foot, bon, un peu le petit trouage sur l'Allemagne. C'était le 3 juillet dernier, je dis ça chez Difool dans la radio libre. Parce que là, t'as coupé, ma gueule, il y a un problème, là. J'ai dit soit la France. Ah, il y a une coupe? Exactement. J'ai dit soit la France, soit l'Allemagne gagne 1-0. Ils ont perdu combien la France ce jour-là? Oui. Combien? Ben, ils ont perdu. 1-0. 1-0. Ils ont perdu combien? 1-0. 1-0? 1-0. T'en es sûr? T'en es certain? Ouais. Je l'ai pronostiqué ce score ou pas? Non. Mais écoute, j'ai pronostiqué le score de la victoire exacte qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne. Je m'en rappelle ce jour-là, je l'ai pronostiqué. D'ailleurs, j'en parlais avec Laurent Bouleau il y a 3 semaines. Qui est directeur des programmes ici. Et qui me disait que j'étais un très bon pronostiqueur. Il se foutait pas de ma gueule. D'accord. Donc voilà, vous avez coupé les gars, c'est pas cool. Hein. C'est pas sympa, putain. Donc c'est faux. Je suis un bon pronostiqueur. Ouais, ok. Bah tu iras en redonner chez Difool cette semaine. Ouais. D'ailleurs, c'est le retour de Difool en direct tout à l'heure. Hein. Loupez pas, toute l'équipe est là. Je les ai vus dans le couloir, ils sont en pleine forme. À pas louper juste après le Planet Rap. Gros bonjour à toute l'équipe. De la crime. On va revenir dans un instant. Qu'est-ce que tu veux qu'on passe? Tu feras du live aussi ce soir. Ouais, on va faire le live du morceau Bracelet. Bracelet qu'on a écouté tout à l'heure. Ouais, parce qu'en fait cette semaine, tu vois, on va se pencher sur la crime un petit peu, sur le passif, tu vois. Donc je vais quand même envoyer quelques titres de l'album. Ah bah oui. Un ou deux inédits, tu vois. Donc là, on va commencer avec le Bracelet. Je vais le jouer en live. Bah en même temps, t'as déjà balancé aussi pas mal de vidéos. Exactement, de morceaux sur le net. J'ai pas été à voir. Ouais, il y en a. J'ai pas été à voir. Bon après, il y a la radio qui a rentré des titres et il y a ce que j'ai envoyé moi sur internet. Donc ça fait quand même pas mal de titres. Donc il faut en garder aussi quelques surprises pour le 1er septembre. C'est vrai. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que tu vas passer 2 semaines avec nous. Exactement. Donc la semaine prochaine, on pourra se défouler avec plein d'extraits. Exactement. Puisque c'est la sortie lundi. Exactement. On est à 7 jours maintenant de la sortie de cet album Corleone qu'on découvre entre 20 et 21. Après la pub, tiens, je vous passerai, je sais pas si t'as écouté le nouvel Eminem, si c'est encore un artiste qui t'intéresse, Eminem. Non, c'est pas que ça m'intéresse ou pas. Moi, je suis plutôt dans la nouvelle vague de ce qui se passe maintenant. Ouais, bah, les leaders, les French après, ouais, voilà. Mais après, Eminem, c'est un très grand artiste. J'ai pas eu l'occasion d'écouter. Bon, lui sera de retour le 28 novembre avec un nouvel album. A priori, ce sera même carrément un double album. C'est pour fêter ses 15 ans de carrière. Il y aura ses plus gros tubes et des titres inédits. Celui-ci en fait partie en titre inédit. C'est avec Sia. On l'écoutera. Il s'appelle Guts Over Fear juste après la pub et du son de La Crime de retour dans Planète Rap. Après ça. Eminem et Sia s'annoncent donc le retour d'Eminem le 28 novembre prochain. On l'écoute à l'instant sur Skyrock dans Planète Rap et Planète Rap spécial La Crime. On est parti pour 15 jours avec La Crime. Ouais. L'album sort dans une semaine le 1er septembre. Ouais, 1er septembre. Corleone, ça y est, il arrive avec une box aussi, un coffret collector. Ouais, album et t-shirt. Ouais, c'est uniquement à la Fnac. Ouais, c'est à la Fnac. Pour la commander aussi. Donc ouais, une belle petite box, t'as le CD avec le t-shirt. Tranquille. Et il y a les sons surtout à l'intérieur, important. On va faire un petit point aussi sur un petit retour en arrière sur ta carrière aussi, toi, La Crime. Qui t'a poussé à rapper, toi, en fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? En fait, c'est plutôt un état de, tu vois, je traînais avec des gens qui étaient dans ça, tu vois, notamment Mister You, tu vois. Et c'est vrai qu'on a fait un morceau, qu'il avait mis sur son projet, Présumé Coupable à l'époque. Et c'est un morceau qui, tu sais, il y a eu un retour, tu vois, extraordinaire. Mais t'avais jamais rappé avant? J'avais fait un ou deux morceaux comme ça, tu vois. C'est vraiment comme ça. Mais c'était pas un truc, quoi, où tu disais, je vais faire carrière. Voilà, t'es là en studio, on est avec les potos, tout ça, tu vois. Là, je suis avec des mecs de chez moi, ils savent, tu vois. On a grandi ensemble, ils savent. C'est jusqu'à aujourd'hui, le poteau, il est surpris. Il entend la radio, tu vois. Jamais c'était, tu vois, on était dans autre chose, vraiment, tu vois. Et donc, il me pousse, tu vois. Il me dit, il y a vraiment un truc à faire. Regarde, les gens, ils aiment bien. Il était déjà dans le créneau, lui. Il était déjà bien. Il avait bien défini le truc du rap, tout ça. C'est quelqu'un d'intelligent, tu vois. Donc, il m'a poussé à continuer. Et voilà. Après, moi, je suis allé à Marseille. Et là, j'avais lâché un petit peu, puis il y avait un engouement, tu vois, je sentais qu'il y avait un truc, j'ai commencé à écrire vraiment tout ça, tac, à faire des clips, à aller ailleurs, avoir un concept, un truc autour de moi. Et voilà, ça tu, ouais, tu t'es pris au jeu, au truc en disant bon, c'est peut-être quelque chose à faire là-dedans. Après, je suis un mec, c'est pas que je kiffe le rap, c'est une passion, attention, mais je suis un mec, j'ai toujours eu, tu sais, de la facilité à voir, voilà, tu vois, il y avait un truc à exploiter, c'est très bien, et finalement, c'était une passion qui est devenue, tu sais, un vrai métier maintenant. Mais c'est pas, oui, c'est pas une histoire familiale, c'est pas quelqu'un dans la famille qui va dire, qui est musicien, qui te donne envie de faire de la musique. Non, je sais pas, rien de tout ça. Ouais. Par contre, moi, je kiffais le rap quand j'étais petit. Ouais. Tu vois, je kiffais ça, c'est le rap, quoi, les premiers souvenirs de rap que t'as en tête? Laura Luciano, Mafia Free, tu vois. Ça, voilà. C'est rap français, principalement. Ouais, rap français. Moi, après, rap américain, j'écoutais du Tupac et du Nas. Mmh. Bah, bonne référence. Didi, mais Tupac et Nas. Et là, par contre, t'es à fond dans cette nouvelle génération qui arrive. Ouais, à mort. Les sons ouais, américains. Si après, c'est vraiment, Fred, tu vois, j'écoute pas de rap français. Donc, il faut quand même s'ouvrir l'esprit, tu vois. C'est des nouveaux flows, c'est une nouvelle ère. En fait, je vais t'expliquer. Quand tu sors un album, faut pas être dans l'air du temps. Faut essayer de proposer quelque chose à la France, tu vois. Ça veut dire, en ce moment, c'est ça qui se fait, donc le mec va sortir un titre dans l'air du temps. C'est bien quand t'arrives avec un truc, tu vois, c'est un album, c'est pas une mixtape, c'est un album, et tu proposes. Donc je me casse les couilles à écouter beaucoup de Quinry comme Core, tu vois. Mmh. Il est beaucoup là-bas, donc c'est beaucoup des influences différentes, tu vois. Ça donne un album. Donc les deux qui sont sur ton album, que ce soit French Montana ou Lil Durk, c'est quand même des gens que t'apprécies, que tu suis. C'est des gens que j'écoute tous les jours. Que t'écoutes tous les jours. Ouais, c'est des gens que j'écoute tous les jours. Tu vois. Il y a donc ces deux morceaux. Il y a des clips aussi, les images qui arrivent autour de ces morceaux. Très prochainement. Mais là, on va faire un petit retour en arrière sur un des morceaux que beaucoup de gens ont apprécié. Ouais. C'est un morceau que tu nous as ramené. Ouais. Qui s'appelle D'où je viens, tu connais. D'où je viens, tu connais. Ouais. Pourquoi celui-ci, par exemple? Parce que D'où je viens, tu connais. Ok. Non, mais je sais que c'est un morceau que qui a marqué. Bon, avant que je rentre en prison, c'est ce qui est un peu plus dans l'actualité. Avant que je rentre en prison, c'est un morceau que les gens, tu sais, ils ont kiffé, ils l'ont fait tourner à mort. Donc voilà, tu sais, je vais en concert aujourd'hui, les gens ils le chantent, j'ai pas besoin de chanter, tu vois. Ouais, tu peux te poser tranquille. C'est vraiment. Et pratiquement l'écouter. Voilà, c'est vraiment un vrai morceau lourd, tu vois. C'est vraiment, ça me définit bien, ce morceau. Petit retour en arrière sur le parcours de la crime. C'est ce qu'on fera d'ailleurs cette semaine, hein. On l'a dit, la semaine prochaine, on reviendra évidemment sur l'engouement autour de la sortie. Ouais. Autour de Corleone, et on passera plein d'extraits. Il y aura quand même quelques inédits cette semaine. Ouais, bah. Mais on va aussi revenir sur ton parcours et celui-ci en fait partie de ton parcours. Exactement. C'est le morceau qu'on écoute maintenant. Ouais. Attends deux secondes. Vas-y. Je voulais juste dire, ouais, Brabus. Le RS4, les enceintes, écoutez à tout le monde, Boudère fraîche, Nagui, Vache ma gueule, vous êtes là ou quoi? Vas-y, envoie la sauce, Fred. La crime avec nous pendant 15 jours dans Planète Rap. Ouais, Fatih. Quelques centaines de kills bloqués dans un appart. T'allumes, tu veux ma part. Oui, je suis tranquille, mais tu peux t'en marquer que nuit dans le coffre de la barre. Crochet du gauche, tabac, des raris. On a vu un tas d'oseilles, un tas de Ferrari. Je n'ai qu'un menteur, je t'ai vu sur le terrain, surface, simulation, sifflet, penalty. Mitraillette, scorpion, 357. Crème de l'ail, y'a des couilles, pas besoin que ça conne sec. On aime le trafic, on le nie pas. Un ballon de 30, ne parlait de 10 balles. Et puis y'a la mondaine qui traîne au cristal. D'où doit faire la guerre, tu me parles de freestyle. J'aurais 15 piges avec un ténor. On va ta rafale ou nique tes morts. On vit les chicots cassés, le regard froid. Tel prochain morceau, mal était devenu ma proie. Va te faire enculer, bien profond mec. La flamme devant la porte, devant la fenêtre. Quand je suis défoncé, je vais boire du bourbon. Salam à mes grossistes et ta peur de faux bon. La mort est belle, ainsi faite. La rue qui t'a baisé, pas ton ciel qui m'a fait. Je suis pas une brute, je vais te faire du mal. Oui, d'où je viens, tu connais. Et putain, grave dans ton cul. À 6h du matin, le son des gros bonnets. Tes robes te veulent du mal. Donc oui, ça va faire mal. Audemars, Mercolli, trou par balle. Sorti d'autoroute, on lève ta bécane. Mon gros, si t'as des armes, on a les mêmes, au mieux. Je fais pas partie des grosses pédales. Des braqueurs de ma banlieue, ma banlieue. Où l'on que tous les verres, on passe tous les dans une ville, en ville, en vie qu'on veut. Pour ça on charbonne, on fait des longues peines. Qu'est-ce qu'on en ramasse, mais qu'est-ce que l'on paye? Des fois le prix d'une vie fait les faux qu'on te baise, hein. Ils sont pas prêts, je me rapproche comme un loup dans les bas prêts. Ouais mon gros, t'as beau faire 3 mètres sur la mec avec la crosse de mon œuf, je t'éclaterai, plâtré, plâtré. Je suis un homme à l'enfance perdure. Je te laisserai pas me baiser la gueule. Star faut la tomber la vie, c'est pas ça qui me perturbe. Un jour il faudra prouver, rouver. Tes max sont les tenaces. On va te trouver, te trouer. Je te passerai l'envie de faire des menaces. je t'as sa veine, le sol c'est dégueulasse. Ouais gros, mes répits sont rendus, je nique pas ma dignité, mon ami j'en ai qu'une. Je suis pas une pute, je vais faire du mal. Oui d'où je viens, tu connais. Une putain de rafale dans ton cul. À 6h du matin, le son des gros bonnets. Ces rebeux devraient du mal. Kalash, Glock, oui ça va faire mal. Omar, Mercoli, trop par balle. Sorti de ton route, on lève ta bétane. Soir j'ai rien à prouver, je laisse que parler les balles. Oh. Soir j'ai rien à prouver, je laisse que parler les balles. Oh. Soir j'ai rien à prouver, je laisse que parler les balles. Oh. Soir j'ai rien à prouver, je laisse que parler les balles. Oh. D'où je viens, tu connais à l'instant. Ouais. Retour en arrière qui fait plaisir à plein de monde. Je vois les messages arriver. Ouais, toi. Continue à les balancer, la crime sur Skyrock. Ouais, ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'on sent, même si ce morceau, il y a quelques années quand même aussi, voilà, la direction, je dirais, sonore aussi. Exactement. Ouais, je voulais être dans l'air du truc. En fait, moi, j'étais un rappeur beaucoup sur du, tu sais, sur du Mobb Deep, sur des, tu vois, des influences. Voilà, ouais. Sombre. Tu sais, des beats un peu années 90, tu vois. Je suis allé à Miami et j'ai vu qu'il y avait une autre ouverture de musique. Et tu sais, je me suis penché sur le truc. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaie d'évoluer. Vous pourrez le découvrir donc si vous achetez l'album dans une semaine, c'est le 1er septembre la sortie de l'album Corleone avec Lacrim. Petite question, tiens, comment on est sur ton parcours aussi, ça on n'a pas filé la réponse, mais si vous suivez Lacrim, vous l'avez forcément, vous pouvez l'envoyer au 41759 et on vous file le coffret collector avec l'album et t-shirt, il y en aura un par soir à choper. Bah c'est bien. Donc il faut répondre à cette question, comment s'appellent les deux premiers albums de Lacrim? Allez-y, vous le balancez 41759. Pas d'indice, rien. Hein. Ouais, on va donner quand même un petit indice. Il y a un projet que j'ai pas sorti dans les bacs. Donc celui-là, on le compte pas. D'accord. Bah oui. Parce qu'après, on va parler de ceux qui sont sortis. Ceux qui connaissent vraiment, et tu vois, ils vont aller à la base et ils vont perdre. Tu comprends? Non, alors ceux qui sont sortis, pardon. Voilà. Allez-y, vous balancez ces deux premiers albums au 41759 avec le hashtag Lacrim sur Skyrock. Et vous repartez dans un instant avec ce coffret collector. Par téléphone, je te présente Nahir de Bobigny. Salut Nahir. Ouais, ouais. Salut frérot, ça va quoi? Ça va Nahir? Ça va, tranquille, et vous? Est-ce que tu attends la sortie de l'album Corleone, Nahir? Bah ouais, avant j'avoue, j'écoutais pas trop de Lacrim, mais la tracklist là, je trouvais ça intéressant. Bah c'est vrai, ça fait plaisir. Ouais. Donc, franchement. Fait plaisir. Bah c'est vrai qu'il y a aussi plein de gens qui vont découvrir Lacrim. Il y a aussi plein de gens, voilà. Ouais, après c'est que t'as conscience de ça. De jour en jour, bah il y a des gens qui me connaissent, tu vois. De toute façon, c'est fait pour ça. Il y a bien la base, tu vois, où il y avait personne et aujourd'hui où ça, tu vois. Il y a un rassemblement, voilà, c'est ça. Et bah voilà, soyez. Bienvenue, ma gueule, bienvenue. Soyez nombreux à découvrir, vous n'allez pas être déçus par cet album, c'est l'album de la rentrée qu'il faut avoir, celui de Lacrim. Toi, Nahir, tu viens rapper? Ouais, ouais. Petite difficulté depuis la semaine dernière, depuis qu'on a repris notre cartable et Planète Rap. Au bout d'une trente, il faut être concis, rapide, clair, efficace, sinon au bout d'une trente, il y a la trappe, il y a ça. Ok. Il y a le gong. Il y a le gong et après on tombe dans la trappe. T'as le feu au cul quoi. J'aurais fini avant, c'est bon. Allez, on t'écoute Nahir, session freestyle par téléphone. Ok. Ok. Ça fait 1. Fais pas attention, décalage, c'est synonyme de calage. Fais pas attention, décalage, c'est synonyme de calage. 3 parfois en un couplet. Si j'expire, t'étouffes, mec. Tous prétendent avoir tout fait. Ces fils de m'ont du tout paix. Ils aiment pas ça, on est bon qu'à ça. Fais-nous chier, on tape ta casa. Si ça sent le roussi, bon, ça s'associe. J'espère qu'ils s'attendent pas ça. Get, apprends pour ton quartier. Bobigny, c'est le cartel. Pauvre imbécile, on blanchit pas son oseille avec de l'eau de javel. T'avais du niveau, t'avais. On t'a pas pris, on traite, je la refais. T'as voulu noyer doux, t'as mangé des coucous, tu coûtes, on t'a laissé par terre. La violence me sert de valet. Me tirer dessus, pauvre qu'on valait. T'es mal compté. Pas parler si je te rafale dans l'allée. En freestyle, le jitter, y'a le décalage. Invite-moi à ton planète rap, je te montre qu'en face, nous on est trash. Ok, Nahir, à l'instant, court, rapide, efficace, parfait. Nahir, bravo à toi. Allez, pas passer. Il n'est pas passé là. Non, il n'y a pas eu le gong. C'est bon. Il a fait moins de gong. Parfait, Nahir. Tu veux dédicacer? Tu veux. Ouais. Dédicace à tous mes gars de Boboche, Pizzi, l'Arsenal, JRM, les deux amis, tout le monde. Et allez suivre le Twitter officiel, LEDJ officiel, Facebook pareil, LEDJ officiel. Là, il y a un gros clip qui arrive là. Et voilà quoi, ça arrive lourd. Eh ben, ça roule. Merci à toi d'avoir été avec nous, Nayan. Ok, merci. Toi aussi, hein, t'es sur les réseaux sociaux, Lacrim, t'es un peu partout. Hein. Ouais, bah ouais. Hein. Facebook, c'est Lacrim Vraie Page. Lacrim Vraie Page. Lacrim Officiel, ça c'est sur Twitter. Ouais. Et Instagram, Officiel Lacrim. Officiel Lacrim, sur Instagram. Et puis, on va aussi rappeler que t'es en showcase un peu partout. En France, en Europe. Samedi, tu seras du côté de Tanger. Exactement. Ce qui est plutôt sympa pour le week-end. Ouais. Mmh. Avant la sortie de l'album. Le 12 septembre à Liège, le 13 à Mons et 26 septembre à Lyon pour les showcases de Lacrim. Ouais. Et je suppose qu'il y a plein de dates qui vont s'ajouter. Ouais, bien sûr, plein de dates. Ça, c'est. Tu vas aller te balader un peu partout. Ce cas pour l'instant. Ouais, Boudère, ouais, ma gueule. Ouais, je suis là, je t'entends. Je reçois des messages de mes photos. Mes photos qui sont dans la grotte. Ouais, ma gueule. Ça va ou quoi? Je vous embrasse tous, les gars. On est là des semaines. Ça passe dans la grotte, c'est ça qu'il faut en fait les messages. Tu peux envoyer des messages. Ah, c'est la 4G, frère. Il y a la 4G. Même la 5. Non, mais pour de vrai, la 4G, ma gueule. C'est déjà arrivé. On est deux en cellule, mais il y a trois iPhones. Tu te demandes pourquoi. Bon, bah écoute, un morceau, ça, c'est, tu me disais il y a quelques minutes, quand t'es rentré pour le projet Corleone en studio, c'est le premier morceau que t'as posé. Mon Glock te mettra à genoux. T'as un souvenir précis justement de l'ambiance, le studio, le moment où tu vas rentrer pour faire ce morceau. Ouais, on met la prod. Tu vois, je t'ai dit, on avait à peu près le cheminement du morceau, ça a été vite, hein. On l'a écrit une matinée, tu vois, fin de journée, c'était clair. Franchement, il y a beaucoup de morceaux qu'on a fait comme ça. Corleone, l'intro, c'est fait comme ça, tu vois. À l'instinct, quoi. Ouais, le matin, la prod, ouais, c'est bien, on la fabrique tout de suite, on pose le morceau, le soir, il est fini. T'as pas beaucoup enregistré de titres, les morceaux qui sont enregistrés, ils sont dessus. Exactement. Mmh. Ouais. C'est à l'essentiel. C'est-à-dire vraiment, c'est du compact, tu vois. J'ai voulu, tu vois. Voilà, par exemple, dans un créneau, bah, je peux mettre 3-4 musiques, je vais en faire une, c'est le pressé, tu vois. C'est le pur. Celui-ci, c'est un des gros titres aussi. Mon Glock te mettra à genoux de l'album qu'on va écouter. Puis après, on fera un live, le live de Bracelet. Ouais, on fera le titre inédit qu'on a découvert ce soir dans l'émission. Ouais. T'as pris des dettes, tu veux me faire la guerre, yeah. Mon Glock te mettra à genoux. Non, mon Glock te mettra à genoux. Non, mon Glock te mettra à genoux. Deux, trois promenades et tu me croyais mort. Non, mon Glock te mettra à genoux. Non, mon Glock te mettra à genoux. Non, mon Glock te mettra à genoux. Y'a pas de hasard, y'a le pas de rien. Mon Glock te mettra à genoux. Non, mon Glock te mettra à genoux. Non, mon Glock te mettra à genoux. Alors à lui. Tu lèves les comptes et tu dois des sous. Te mettra à genoux. C'est comment l'équipe de l'Arbin? Eh hey, Brabus, fais péter les rescates, ma gueule. Ta mère, j'emmerde rap. C'est moi que les keufs appellent l'arabe. C'est moi qui vais t'allumer ta race. Pourquoi sont-ils mauvais? Il faut les voyous, mais sans lever. Je laisserai jamais partir en paix. Dans le premier bâtiment B. Là, je suis sorti, ça part de là. Dédicace à lui, bâtiment B. Tous ces traves, récupère de la rue, mais rien plus grave. Vas-y me surveiller, ta soeur, la chaîne. Tout le monde est chaud ce soir, il gèle. Gros n'avoir qu'une, c'est ça que j'aime. Et qu'est-ce que t'as tout carré, c'est sa chenette. Oui, oui, je me dis qu'un, je suis là, et piscine. Oui, perpètre des homicides. Oui, je veux garder toutes tes salopes. Rien à voir avec mon missile. Oui, on a les vrais bonhommes avec nous. Oui, ce qui est juste avec vous. Oui, tous les hommes meurent, mais veulent vivre vraiment. Vous dites que je parle avec vous. T'as pris des têtes, tu veux me faire la guerre. Que mon Glock te mettra à genoux. Non, mon Glock te mettra à genoux. Non, mon Glock te mettra à genoux. Deux, trois promenades et tu me croyais mort. Non, mon Glock te mettra à genoux. Non, mon Glock te mettra à genoux. Non, mon Glock te mettra à genoux. Y'a pas de hasard, y'a pas de rien. Mon Glock te mettra à genoux. Non, mon Glock te mettra à genoux. Non, mon Glock te mettra à genoux. J'relève les comptes et tu dois des sous. Non, mon Glock te mettra à genoux. Non, mon Glock te mettra à genoux. Non, mon Glock te mettra à genoux. J'fais pas dans le détail. Casque intégral, une grosse bécane. Bang bang bang, la crime c'est one. Pas de diplomatie, j'suis une racaille. Et ouais, à taille, regarde le drapeau. Couleur bleue sans couleur drapeau. T'as fait sans bip, moi sans braco. T'as mis dans les hôtels de Monaco. Bref, ce sont tous des chiens qui aboient. Les gens leur nuque, leur mère, et y'a quoi? Mon accord, je t'aide, commence par toi. Connard, je veux te voir. Encore! Écoute, et tais-toi. Aïe! Donne-moi le tuyau, j'attache au Qatar. On a passé l'âge de faire des bâtards. Cousin, salut ta mère, j'rentre au placard.

dans vos mères. Corps 9-4 ma gueule. Dédicace à tout 13. Ok. Alors Fred. Ah mais moi je m'en lasse pas hein. On pourrait même le refaire une deuxième fois hein, si tu voulais. Bracelet. Le morceau qui s'appelle Bracelet à l'instant, ça c'est le titre inédit. Grosse prod aussi. Hein. Vous avez pu découvrir ce soir dans Planète Rap entre 20 et 21, une grosse prod. Pareil, une grosse ambiance d'ailleurs sur tous les morceaux, t'as une ambiance voilà comme ça. Ouais. Hein. En tout cas, tous les morceaux sont différents. Ouais. Tu peux pas prendre un 16 de la 1 et le mettre sur la 2. Ah oui, c'est impossible. T'as essayé des. Ouais, pour de vrai. Hein, tu vois, ah ouais, on a vraiment pensé et tout pour de vrai. Il y a aucune instru qui va avec. Tu vois, tu peux pas prendre un 16 de la 1 et le mettre sur la 10 et vice versa, tu vois, sur tous les morceaux. Ah oui, vous avez même testé ça. Ouais, les BPM, tout vraiment. Et ben, ça se retrouve en tout cas sur cet album. Il y a 15 titres avec un coffret collector qui est dispo à la Fnac. L'album t-shirt en édition limitée. Puis sinon, toujours en précommande dès maintenant, on peut y aller. Hein, pour, exactement. Pour gros album, hein, le 1er septembre. Gros album, hein, c'est pas de la rigolade. Ah, c'est l'album de la rentrée. C'est l'album qu'il faut avoir. Plaisir. C'est vraiment un événement. Ouais, et il y a une vraie belle cohérence sur cet album, aussi bien justement les textes où il y a évidemment pas mal d'ego trip et tout. Enfin, bien sûr. Mais tu lâches souvent des petites phrases sur ta vie. Bien sûr. Exactement. Sur ton quotidien. Après, je pars d'un truc où tu vois la rue, le thème là. Tu vois, quand tu pars, tu sors de chez toi, les peines, les joies, la trahison, bah, c'est dans la rue finalement. Tu sais, t'es chez toi, t'es dans ton cocon familial, c'est bien en vrai. Tu vois, t'aimes tes parents, c'est pour de vrai. T'aimes ta femme, ta famille, tu vois. Tu sors de chez toi, tout se passe dans la rue. Donc finalement, c'est pour ça que ça tourne autour de ça. Et c'est ce que tu racontes ouais, sur l'album Corleone. Exactement. Qu'on va découvrir pendant 15 jours. On a de la chance, hein, tous les soirs de la semaine 20-21. Avant de retrouver l'équipe de la Radio Libre de Difool de retour et en pleine forme, bronzée comme jamais. Juste avant, eh bien, on fait tourner la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre ta compil Planète Rap 2014 volume 2 et ton iPad mini. Avec Smaïn de Paris, salut Smaïn. Aïe aïe aïe aïe aïe, la crime, t'as tout niqué dans le freestyle. Ah merci ma gueule. Ah, frère, ça va Smaïn, ça va aussi, frère. Bah, ça fait plaisir, ça va, c'est... t'es content Smaïn d'avoir la crime pendant 15 jours dans Planète Rap? Je suis au top là, je suis aux huiles comme on dit chez moi. Voilà, t'as un bon frère, voilà. La crime, ouais, ma gueule. Tu l'as rappé frère, tu niques tout. Merci ma gueule, t'inquiète bon, toi, pas, on tu, pour longtemps. Tu suis depuis un moment la crime Smaïn? Eh, depuis longtemps, frère, je reviens du bled, là, je suis comme un fou. Oh, t'es un bon. En fait, je reviens du bled parce que j'étais coincé, c'est ça. Mais t'es d'où, Smaïn, t'es d'où? Je suis de Paris. T'es où, à Paris, t'es d'où? 19ème. Bah, t'es un bon, frère, oh là, t'es un bon. Continue à supporter. Eh, t'es un bon, toi aussi, tu me présentes bien, frérot. Voilà. Continue, on est tous derrière toi. Eh, bah, le premier, jusqu'à la fin. Il restera que toi, frère. Merci, frère. Quand s'il en reste qu'un. Toi aussi. Smaïn, on fait tourner la roulette, c'est parti. Il faut lui gagner un bon truc. Allez, c'est parti, dès que tu veux, tu dis stop. Allez. Là, je vais réveiller le quartier, là, attends. Allez, réveille tout le monde. Stop. La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est. Et ben voilà, c'est l'intégral album. Il y a l'album évidemment Planète Rap qui fait un véritable carton. Et on va rajouter Corleone aussi pour toi, l'album de la crème. Là, je suis aux huiles, là. Ah, là, je suis bien. Moi, je t'ai dit que t'es bien. T'as sur l'album Corleone, ma gueule, t'es bien. Tu vas être bien. Sans encore 10, la crème. T'es un bon. Inch'Allah. Inch'Allah, on est avec quoi? Et bah là, tu l'auras. Tu peux quand même aller l'acheter, hein, si tu veux, le 1er septembre pour l'offrir. C'est un album. Je vais en acheter 10. Ah bah. Alors, vas-y, on retient, Smaïn, t'enverras les photos. On vérifiera. On vérifiera, mon pote. Je prendrai une photo avec la bouteille, frère. T'es un bon. Passe une bonne soirée Smaïn. Merci. Salut. Ciao. Bonne soirée à toi. Merci la crème pour cette première soirée dans Planète Rap. Merci beaucoup Fred. Gros dédicace à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui supportent. Parce que c'est la première fois que je suis dans Planète Rap, tu vois. C'est vrai que t'es passé quelques fois, mais jamais. En même temps, ouais, voilà. Bah là, on se rattrape, hein. Tu vois, voilà, 15 jours. Deux semaines. Donc c'est bien. Merci à tous et restez branchés, hein, deux semaines ensemble, les gars. Corleone, le 1er septembre. 1er septembre et tous les soirs d'ailleurs de la semaine. On reviendra sur le parcours de la crime. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci pour les nombreux messages. Et là, on va retrouver toute l'équipe de Difool. Oui. Ça y est, de retour, Fredo. Bah, vous étiez parti. Il y avait la crime qui est passée juste avant votre départ. Enfin, peu de temps avant votre départ. C'est vrai. Voilà. Et là, on récupère la crime. Et vous récupérez. Juste à notre retour. Vous allez bien, c'est quoi? Ça. Ça va tranquille. Ça va, la crime, bien. Ouais, je vous passe le bonjour à tous. Eh ben, tu vas venir nous voir dans la quinzaine, puisque t'as 15 jours de Planète Rap à toi. Je suis là. Moi, franchement, vous m'invitez, je viens, pas de soucis. T'as fait quoi, Fredo? Il t'a donné des sous? C'est même pas une question de sous, hein. Je pense que, tu vois, c'est comme il a dit, c'est l'album de la rentrée. Et ouais, c'est vraiment un très très voilà très bon album. Tu l'as donc Difool, si Difool te procure pas, t'es pas dans le coup. Voilà. T'inquiète, je suis toujours dans le coup. Ah, je vois Tupac sur SMS qui est excité, la crise de retour. Tupac qui est de retour, même lui il est là pour ton Planète Rap, t'as vu? Tu as ressuscité Tupac pour Corleone. ça fait du bien. Incroyable. Pas Tupac. Et puis salut à vous. Fredo, tu vas revenir nous voir dans l'émission. Il paraît qu'on va s'y mettre. mettre tous les deux alors. Tu connais le Ice Bucket Challenge, la crime? Tu sais, c'est le truc où tu te renverses, t'as pas l'air con, tu te renverses un seau d'eau sur la gueule. Non, je suis pas au courant. T'as pas vu ça? Non. Bon, à l'origine, c'est bien, c'est pour aider une assoce qui lutte contre. Pour les enfants malades. Ouais, la maladie de Charcot, ouais. Exactement. Okay. Charcot, il est dans Charcot. Non, Charcot. Et donc, c'était pour faire buzzer autour de cette association. Donc, okay. À peu près tout le monde se met un seau d'eau sur la gueule. Voilà. Bon, à l'origine, normalement, c'est des glaçons. Hein. Oui, oui, mais on a tout prévu ce soir. Ah, donc, c'est de l'eau avec des glaçons. Donc, si vous aimez frais d'eau. Que des glaçons. Non, il y a les deux, c'est l'eau gelée. Hein. Ice bucket. Non, on a mis de l'eau dedans, t'inquiète. Faites confiance à Fredo l'Américain. Ouais, ouais. Je vous rappelle que je parle qu'un riz, quoi. Non, mais beaucoup mieux que l'année dernière, hein, Fred. Hein. Ah bah là, j'ai travaillé tout l'été. Ah oui, beaucoup mieux que l'année dernière. Donc yes. Fred, tu vas venir nous voir, on va faire notre challenge puisqu'on a été. Alors c'est moi qui te balance le saut, en fait. C'est comme tu veux, Fred. En fait, il y a deux victimes, c'est Fred et moi. Voilà. Vous allez retrouver. Les autres l'ont déjà fait, Romano, tu l'as fait, toi. Ouais, moi je l'ai fait au bord de la mer. Je crois que t'as eu raison. Donc on va le faire ici, c'est pas. Ouais, c'est ça. Toi, j'ai une bonne idée. Ouais, c'est moi, j'ai toujours l'air d'habitude. Il n'y avait pas de glaçons, ouais. Tu vois. Juste moi, je l'ai fait à Paris, moi. Marie, là, c'est balancé un seau d'eau à côté seule, de la piscine. Ouais. Ça, j'ai vu ça. Aussi, j'ai vu. Momo, qui est là à mes côtés, qui est pareil. Ouais. S'en est pris un sur la ganache. Ouais. Cédric, la même. Et donc, Momo, d'ailleurs, on va peut-être le remettre un vu l'odeur. On va la parfumer, l'eau, un peu. On va en faire un bonus. Profitez-en, il n'entend pas, il est énervé. Il est là, il fait moins écouter ce qu'ils disent. T'inquiète, Momo, on dit rien de méchant. Tu connais. Méchant, Momo. Non, mais tu nous connais. Mais... On va te laver, Momo. Donc, on va retrouver Fred pour le Ice Bucket Challenge en direct. C'est le premier qui sera fait à la radio, je crois, le Ice Bucket Challenge. Ouais, Non. Momo l'a fait avec Emric. En direct. C'est le deuxième sur Skyrock. C'est vrai qu'il l'a fait avec Emric. Et pas ça après Momo. Respect. Enfoiré. Il y a Célia qui nous demande si on est normaux. Non. Ça n'a pas changé. C'est pas nouveau. Donc, on te retrouve, Fred, dans un instant. La crime, tu reviens quand tu veux dans l'émission. Et demain soir, de toute façon, dans Planète Rap. Exact. Et juste oui. Avant 20h. Ouais, on est là. On se fera un petit la crime d'ailleurs ce soir, nous, avant minuit, là. Ben, un ou deux, hein, n'hésitez pas. Ouais, peut-être même deux, on verra. Allez, voilà. Moi, j'aime bien le bracelet, là. C'est un plaisir. Il est bien, le bracelet, hein. Eh ouais. Mais veuillez me pas l'avoir au pied. Non, c'est clair. C'est mauvais signe. Bon, soyez là demain, 20h-21h. La crime, l'invité de Planète Rap pendant 15 jours pour l'album événement de la rentrée. Restez bien dans le coin parce qu'on est de retour. Fredo, on te dit pas au revoir, on est de retour avec toi. Hein. Ouais, yes. Allez, viens pour le seau d'eau. Et puis, je vais peut-être filer à l'anglaise. Vous tous en direct, la radio libre de l'été, il démarre en direct dans un instant. Vous nous appelez au 01 53 40 30 20. Allez-y, faites péter les réseaux sociaux, on est là jusqu'à minuit. C'est parti. À toutes. À toutes. Pour la sortie d'Hercule.